apprends-nous à aimer ce que tu as placé sur la roue devant nous, sur les bas-côtés, qu'ils soient abandonnés, meurtris ou rejetés, qu'ils peinent sur le chemin, bougissent dans le fossé. Fais-nous tendre la main, nourris les affamés, en bon samaritain, secouir le blessé. Apprends-nous à aimer davantage chaque jour, à élargir nos cœurs au flot de ton amour. Que le trop plein déborde sur tous les assoiffés. Partageons, communion, ou bien communiquons, peu importe l'action, pourvu qu'il y ait le don. Ôte nos préjugés, chasse la peur en scène, donne-nous ta compassion, ravive la flamme qu'un jour en nous tu as mise, fais de nous des brasiers, qu'étincelle ton église, change nos regards Seigneur, qu'au moyen de la foi, nous considérions l'autre avant nous comme toi. Apprends-nous à aimer davantage chaque jour, à élargir nos cœurs au flot de ton amour. Que le trop plein déborde sur tous les assoiffés. Coulons-nous, remplis-nous jusqu'à nous submerger. Que le trop plein déborde, que le trop plein.